C'est là, c'est d'être là, d'être piétiné par le bruit de mes pas. Alors, la honte se noue à ma cheville et me pend par les pieds comme à la boucherie. Auditeurs et auditrices, j'ai le plaisir de recevoir Tashka dans nos studios. Salut à toi. Salut. Alors on vient d'écouter un extrait de ton troisième album, Faire des figures, qui est sorti en fin d'octobre dernier sur le label Le Cri du Charbon, troisième album donc, qui fait suite à Balbutiard et à Volcan, et qui fait suite aussi à ton premier EP, c'était en 2013, Silent Opera, 10 ans donc d'anniversaire discographique. Bon anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Merci. Et oui, tout à fait, tu peux souffler. Ce qui m'amenait à une première question, est-ce que tu arrives à voir comment a évolué Tashka ? Qu'est-ce que tu en vois en tout cas sur ces 10 années ? Oui, je vois complètement que ça a changé. Et ça a changé, je pense, un peu comme j'ai changé entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Pour moi, la musique, c'est un peu un reflet de qui on est à un moment précis. Et quand j'entends Balbutiard, qui était le premier album, je me reconnais vraiment très fort à cette époque-là, où j'étais un peu plus jeune, un peu plus naïve, un peu plus... mais sans jugement, hein. Juste voilà, quelqu'un d'autre avec d'autres goûts musicaux. Et j'ai écouté plein de choses entre il y a 10 ans et aujourd'hui, et je sens que ça a nourri aussi pas mal ce nouvel album, Faire des figures. Quand on compose et qu'on écrit seul, comme toi, c'est vrai que t'as l'impression que c'est des polaroïdes, un petit peu, c'est complètement boomer ce que je viens de dire, en tout cas des photos, des espèces d'instantanés comme ça que t'as fait à chaque fois. Ouais, moi, en tout cas, oui, chaque chanson est vraiment attachée à quelque chose de très concret, même si les textes, des fois, sont plus évasifs ou, on va dire, plus figurés. Après, moi, vraiment, y a chaque chanson est vraiment... j'ai une image très forte, j'ai un Polaroid dans la tête. Je me permets de le reprendre, parce que c'est vrai. Que ce soit inspiré d'un film... C'est plus flagrant qu'un selfie, quand même, comme expression. Oui, parce qu'on est, on se regarde pas soi-même. On prend une photo d'autre chose, et il y a beaucoup des chansons qui sont des photos d'autre chose, et pas forcément que de moi. Dans Balbutiard, il y avait beaucoup d'inspiration de livres, de films que j'avais vus ou lus, enfin, voilà. Et dans Volcan aussi, d'ailleurs. Donc, vraiment, oui, c'est des époques pour moi, ouais. par rapport à cette évolution, moi j'ai l'impression d'un corps qui s'est un peu étiré sur ce nouvel album, qui tire les bras, qui l'étend et qui essaye de prendre un peu plus de place. Comment est-ce que tu as travaillé à appréhender la composition et les arrangements de Faire des figures ? Bah, déjà, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. C'est vrai que Balbutiard et Volcan, je pense, c'était encore dans quelque chose d'assez intérieur, assez introspectif, en mode petite boîte, mini boîte dans laquelle on peut faire des choses. Pour faire des figures, pour le recontextualiser, je l'ai en partie beaucoup écrit à l'époque du confinement, où on était tous et toutes enfermés dans des boîtes, justement, et je me suis dit, mais là, je peux pas me faire ça à moi-même, je peux pas faire ça aux gens non plus, que de faire de la musique aussi introspective à un moment où en fait, on a vraiment tous envie de sortir, quoi. De soi-même, et ouais. De soi-même, d'aller dehors. S'il y a un morceau qui devait un peu résumer l'envie de faire des figures, c'est dehors, je pense. C'est vraiment sortir pour faire des choses. Et dans le sens de faire des figures, il y avait aussi ce truc de corporalité, de rythme aussi, de ramener ça dans ce troisième album. De faire de la musique sur laquelle on peut aussi se faire du bien physiquement, mais dans quelque chose d'un peu plus un peu plus détendu, quoi. Enfin voilà, un peu plus rythmé. Moi j'avais vraiment envie de ça pour cet album là. C'est pas forcément évident, et c'est même assez rare de réussir à avoir une impression d'ensemble d'un album qu'on vient de sortir et de réussir à le résumer comme ça. Pour toi, ça fait un tout, alors que j'imagine que les chansons sont quand même, c'est un agrégat un peu composite, un disque aussi. Ouais, après j'ai vu que cet album est très éclectique et que j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de temps pour réfléchir à qu'est-ce que c'était qui faisait le lien entre tous ces morceaux ultra différents. Donc et aussi de comment le nommer. Enfin, c'est quoi le lien entre tous ces morceaux. Donc en vrai j'ai pas mal cogité dessus. Parce que ça m'importait aussi de pouvoir parler de ma musique et de pas débarquer en disant je fais un peu ci, je fais un peu ça. Pour moi, c'est important de savoir où est la cohérence dans tout ça, même si au moment où je composais les morceaux, je me posais pas du tout cette question. Mais après, en tout cas, avoir terminé l'album, l'avoir mis en boîte, et puis même au moment du mixage aussi, comment est-ce qu'on mixe les morceaux, comment est-ce qu'on crée une unité dans le mix entre toutes ces chansons. Enfin, c'était important pour moi de voir le fil conducteur. Et alors au niveau des textes, sans que ce soit un concept album, ça veut dire que tu serais capable d'exprimer ce que tu veux dire dans ce disque? Dans chaque chanson ? Bah non, justement, un peu dans l'ensemble. Tu parlais de l'écriture au confinement, mais finalement, qu'est-ce que tu veux livrer aux auditeuristes en le sortant maintenant et en le chantant même en live ? Ben, dans les textes, en tout cas, il y a, je pense, beaucoup d'affirmations à des endroits différents. On pourra en parler plus tard sur les autres, sur chaque morceau. Mais s'affirmer en tant que femme, affirmer aussi des changements du corps, affirmer juste s'affirmer tout court, quoi. Pas avoir peur d'exister. Clairement, ça, c'est, je pense que ça pourrait bien résumer l'album, et qui sort aussi à un moment où la musique et le rapport à la musique est différent de celui qu'on avait quand Volcan est sorti en 2015, par exemple, ou encore. Encore pire pour Balbutiard il y a 10 ans. Un rapport plus, peut-être, je dirais, on est dans un monde où la musique qui mainstream est plus lissée, on va dire. Moi, je trouve, en tout cas. Mmh. On a plus l'habitude d'entendre certaines choses, certains grooves, certaines basses. Et ça, c'est juste dû à l'uniformisation des moyens de composer. Enfin, voilà, c'est normal, on utilise beaucoup d'électronique et tout ça. Et du coup, moi, de sortir ça à ce moment-là, en ce moment, bah, c'est plus une affirmation de « oui, il y a des choses différentes qui peuvent exister, et c'est cool aussi. Ça peut exister en parallèle d'eux. » C'est curieux que tu dises ça, parce que je trouve qu'il reste quand même dans ton écriture, même si l'écriture et les mots sont simples et clairs, une impression quand même de petite cachette, de choses pas forcément évidentes à appréhender. Je me demandais s'il n'y avait pas de la pudeur ou de la malice un petit peu à louvoyer quand même et à pas offrir tout de suite. Oui, oui, il y a les deux. Il y a de la pudeur et de la malice. C'est clairement, c'est très bien résumé. Après, complètement, il y a vraiment de la pudeur, mais il y a aussi vraiment de la malice. Mais je pense aussi, il y a aussi moi ce plaisir que j'ai aussi en tant qu'auditoriste, enfin de chansons qui ne sont pas les miennes. Moi, j'aime bien pouvoir m'approprier les textes. J'aime bien pouvoir me raconter que cette chanson, peut-être elle parle de ça, peut-être elle parle de ça, et me raconter une histoire qui est complètement, peut-être pas du tout celle qui était racontée à la base de l'artiste, mais en tout cas moi la coller à ce que j'ai vécu moi. Et j'aime bien aussi l'idée de pouvoir offrir ça à des gens qui l'écoutent et peut-être fonctionnent de la même manière que moi, j'espère, parce que je trouve que ça donne une vie beaucoup plus grande à un texte, s'il peut vivre de plein de manières différentes chez plein de différentes personnes. Enfin. Mais il y a un endroit effectivement où je trouve l'écriture est plus claire, c'est quand t'abordes un thème qui est assez récurrent chez toi, l'idée de féminisme, de féminité, où là il y a quelque chose de l'ordre d'une force plus calme, mais plus explicite qui arrive, non ? Ouais. Oui, bah il y a des textes sur lesquels j'ai moins envie qu'il y ait la place à l'interprétation. Clairement, et le féminisme et l'expérience de femme, clairement, sont des sujets sur lesquels j'ai envie d'être comprise. Ça n'empêche pas de mettre du soin dans les formes, de laisser quelques doutes planer sur le sens ou créer des jeux de mots. Mais après, j'ai quand même envie d'être. C'est un des sujets sur lesquels j'ai envie d'être comprise le plus possible. Ouais. On va illustrer ça par un autre extrait musical. J'avais envie de te demander de nous aider à déballer un petit peu le paquet cadeau que j'ai choisi, le titre d'introduction de l'album. Est-ce que tu peux en dire quelques mots en parlant avant qu'on les écoute en chantant ? Ouais. Cadeau, c'est un condensé du regard des autres, du rapport qu'on a au regard des autres et surtout aussi sur... comment les hommes en majorité, hein, qui naissent quand même avec ce privilège les hommes cis blancs, en fait, en vrai, nommons-les, mais dans le fait de graviter dans l'univers sans trop jamais se poser de questions, enfin, en tout cas, douter beaucoup moins de leur légitimité dans le monde. Et du coup, cette chanson Cadeau, c'était vraiment un peu un moment où je me disais, tiens, mais moi, je suis là à douter toute seule dans mon coin, tout le temps de tout ce que je fais. Enfin, j'en ai marre. Donc, c'était vraiment, pour moi, elle parle vraiment de ça, quoi. C'est ce regard, c'est ces autres qui donnent l'impression qu'ils doutent pas du tout, alors qu'en fait, sûrement que si, et en fait, sûrement, ils doutent autant que nous, mais juste, ils ne le laissent pas du tout paraître. Voilà. Merci à toi pour nous avoir enlevé les doutes sur l'interprétation du texte. On écoute ça tout de suite. Merci Tashka. Si les armures sont lourdes, la peau tu l'es tout autant. Je m'interroge parfois sur mon épiderme à moi. Tantôt ferme, tantôt frêle. Tantôt solide, tantôt liquide. Fuir l'inertie me paralyse. Pourtant souvent je cours après ma vie. Peu m'importe les héros, leurs histoires édulcorées. Quand ils pleurent ils tournent le dos pour ne pas être. Tantôt chétif, tantôt ambitieux, tantôt timide. Ils sont pareils, ils jouent la comédie. Ils sont vaillants, à force qu'on leur dise. Se tenir droit, qu'il faut y croire, qu'il faut tenir, qu'il faut grandir. Boire à la source, jusqu'à plus soif. Pas s'excuser, de briller fort et d'éblouir. Les yeux sur soi, le grand cadeau des autres à soi, le grand fardeau, le grand cadeau, le grand cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. C'était le rendez-vous mensuel Aura des Pâquerettes sur les radios réunies au sein de la Fédération régionale Aura FM. Plus d'infos, actus et autres podcasts sur le site www.aurafm.org.